n'ai plus d'amis. Je n'ai même plus de gloire. Je ne peux plus sortir. Que toi, je n'ai plus d'estime. Je n'ai plus de soirée, d'alcool. Je n'ai plus de musique. Je n'ai plus rien. Que toi, il ne me reste que toi. Il ne me reste que toi.